rapide d'Antonio, qui est pour moi un de mes vieux copains du Cochera à Paris et de différents autres groupes, et même d'avant d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus lointain, c'est beaucoup moins militant. De la guerre civile espagnole, puisqu'on peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler la révolution aussi, en était-ce vraiment une. En 1939 jusqu'à 1976, si ma mémoire est bonne, la mort de Franco, il y a eu quand même pas mal d'actions qui ont été faites en Espagne. Et Antonio va nous parler notamment d'une qui s'est terminée par l'exécution avec le garrot de deux copains, deux copains d'Antonio, ça s'appelait Delgado et Granado, 1963. Et qu'on peut resituer dans le contexte de l'époque, je pense qu'il va faire. Il a fait même des plans là-haut pour expliquer certaines choses. Une projection de cassette qui va durer environ une heure sur une émission qui a été faite pour Arte, je crois, il y a deux ans, trois ans, oui, environ. En 96, c'est 4 ans. Et voilà, donc Antonio, je te passe la parole et je répartirai après les questions. Voilà. Oui, alors pour commencer, je vais vous parler un peu, quoi, un peu ce qui s'est passé. Et en 94, nous avons été contactés pour faire un documentaire. Nous avons fait un peu MIG. Hein, et puis, à l'époque, c'était les Espagnols qui devaient subventionner le projet. Ils ne l'ont pas fait. Finalement, c'est Arte. On a fait un deuxième film, un documentaire. Cette fois-ci, ça a été financé par Arte. Ça a été projeté en France en 1996. Ça a été projeté en Espagne un an après avec des multiples péripéties. Ça n'a pas été évident. Finalement, ils l'ont projeté environ 2h du matin. Ils voulaient le projeter un dimanche à 3h du matin. Nous avons insisté lourdement. Finalement, ça a été projeté le vendredi et ils sont arrangés toujours pour nous mettre à 3h du matin. Ils ont commencé par le film Kill Loach, suivi par Vivir la Utopia et puis après le documentaire. Ça s'est passé une fois donc à Madrid et puis après ça s'est passé à Barcelone. À Barcelone, ils ont passé environ 11h du soir. Bon, alors depuis. Ben, il y a eu un film, un livre qui a été écrit sur cette affaire-là. Et puis, ça c'est un livre qui a été fait à partir des commentaires, à partir des minutes du procès, c'est les minutes du procès, et puis après, de ce que j'ai pu raconter. En gros, ce bouquin-là, il raconte deux histoires. La deuxième partie parle de l'affaire des Granos de Delgado, et la deuxième parle aussi d'un attentat un peu similaire auquel j'ai participé et qui a coûté la liberté à un copain qui était pour rien et était condamné à 28 ans de prison. Il a été condamné en 62, il a été en prison jusqu'à 75 pour quelque chose qui était pour rien. Il y a des profondes similitudes pour voir la façon de faire du franquisme. Okay. Il lui fallait des coupables, et comme ils ne trouvaient pas les coupables, ben ils ont attrapé le premier venu. Le hasard a fait qu'ils ont arrêté donc pour la première affaire un copain qui a été condamné à 28 ans de prison, et ils en ont arrêté encore 14 ou 15 à Madrid, dont certains en ont fait 6, 7 ans. Alors, donc je vais commencer par vous situer les lieux où ça s'est passé. Après, je vais vous lire, je vais vous traduire un petit test pour voir comment la presse espagnole de l'époque a présenté l'affaire. Puis après, si vous voulez bien, on va regarder le documentaire. Et puis je vais vous présenter un par un les personnes que l'on voit dans le documentaire. Et je ferai des commentaires à propos de ces personnes. Et puis après, ce que moi j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu apprendre des copains, des familles, parce qu'il faut voir que moi je suis au courant jusqu'à l'explosion, Après, je ne connaissais pas Delgado Granado. Ils existaient, puisque c'est des copains qui habitent le sud de la France, à Alès. Et moi, hélas, je ne connaissais pas. Je ne connaissais toujours pas le milieu de la France, parce que je pense que je suis allé à Toulouse une ou deux fois dans les années 60, et je ne connaissais même pas le midi, et je ne connaissais même pas les militants du midi, sauf un ou deux, occasionnellement. Parce que je n'ai pas habité Paris, je n'ai pas habité le midi, j'ai habité Strasbourg. Donc, j'étais actuellement de tout ça. Alors, je vais vous expliquer un peu les lieux où se déroulent les affaires. La DGS, c'est la Direction Générale de la Sécurité, Gouvernation, en Madrid on appelle Gouvernation, qui est le haut lieu de la torture de Franco. C'est là que les militants politiques venaient, étaient enfermés, c'est là que les policiers torturaient. Après, une fois qu'ils étaient bien torturés, ils les envoyaient dans une autre prison de Madrid, qui se trouve là, qui s'appelle la prison Carabanchel. Bon, alors, donc c'est la Puerta del Sol, c'est le centre de. Il y a mis uniquement les lieux dont la presse parle, et qui parlent de façon complètement fausse. Hein. Donc la Puerta del Sol, c'est la DGS. Pour nous, c'est simple. Le copain, il habite ici à Cuatro Caminos, c'est un quartier populaire. Enfin, je suppose, hein, parce que, en fait, je ne savais pas où il habitait. Et lui, il ne savait pas où j'habitais. Moi, j'avais uniquement un numéro de téléphone. Donc, après, je suis qu'il était à Cuatro Caminos, qui est un quartier populaire. Quant à moi, j'habitais à deux endroits différents. El Barrio San Blas, qui est aussi un quartier populaire. En ce qui me concerne, je suis né ici, au nord de San Blas. À l'époque, je suis né, il y avait des moutons, et maintenant, il y a le métro qui arrive. Et San Blas, c'est un quartier populaire qui est environ 2 km de là où je suis né. Et c'était intéressant San Blas parce qu'on pouvait aller dans le centre de Madrid par deux endroits différents, soit par ici, je n'ai pas noté, ou bien par ici. Voilà, par deux endroits différents. Bon, résultat, nous, le copain et moi, dans le bouquin, on le dit avec un certain détail. Je vous expliquerai moi ce que j'ai pu faire depuis que je suis. Parce qu'à l'époque, j'habitais en France, comment j'ai fait pour le rencontrer, où j'ai logé. En fait, il faut savoir que j'ai logé à deux endroits différents. J'ai logé ici, mais les armes étaient ici. Et jamais on a pris la précaution que là où j'habitais, je n'ai pas d'armes. Les armes étaient ici. Ça, c'est un appartement que nous avait donné traité. Des copains de Strasbourg, certains les connaissent, Urbano, Nereo. C'est parce que c'était un copain de la CNT. Bon, nous sommes rencontrés ici, c'est une place, hein. Il y a un métro. En ce qui me concerne, je suis passé par ici, à Alcalá. Le copain est venu par ici, il a mis la bombe ici, et tous les deux, nous sommes repartis. Ici, là, nous sommes quittés. En ce qui me concerne, je suis retourné à la Pata Castilla. Le copain est retourné à Cuatro Caminos. Ça s'est passé environ 17h du soir. 17h. Puis après, nous nous sommes rencontrés ici à Retiro. Et on a mis une bombe ici aussi, à la Casa Syndicale. C'est le CNS, c'est le syndicat officiel espagnol. Ça se fait environ à 21h. Et ça, ici, c'est à l'histoire. Après, le copain, il est parti, il est rentré en France. Là lui-même, quant à moi, je suis retourné tranquillement à la Castilla. Je suis resté un certain temps. Et puis, je suis retourné à Barcelone. Parce que moi, mon intention à ce moment-là, c'était pas de revenir en France, c'est de m'installer en Espagne. Ouais, j'expliquerai un peu plus. Bon, ça, les choses ici, c'est qu'on a mis une bombe, donc ici. Ça, c'est l'affaire de Granado. Maintenant, je veux dire, où habitaient les copains. Granado habitait ici, la calle Fernando Po, depuis environ 2 mois. Parce que Granado il a une mission bien précise, c'est d'amener le matériel, bombes, armes, en vue de faire un attentat contre Franco, ici, Puente Seguro. C'est ici que doit avoir lieu un attentat contre Franco. Ça va tout se faire parce qu'ils attendaient un ambassadeur, je crois que c'est le du Japon. Il n'est pas venu, ou il est venu en retard, et puis Franco est parti. Et puis il a dit, on va remettre ça après les vacances, en septembre. Granado, donc, habite ici. Et ça faisait environ 2 mois qu'il était là. Et ils ont envoyé Delgado. Ils ont envoyé Delgado le 28 juillet. Il l'a envoyé de Paris pour le rencontrer et lui dire stop et tout, retourne en France. Alors Delgado arrive le 28, il se loge ici, c'était un dimanche. Il va voir, parce qu'à côté de ces grenades, il y avait une quincaillerie, qui était un peu le lieu pour prendre contact avec Granada. Delgado va à la quincaillerie, c'était dimanche. Donc il attend jusqu'au 29, lundi. Lundi matin, à environ 9h-10h, il va à la quincaillerie, il prend rendez-vous avec Granado, il se voit, et je ne sais pas de quoi il parle, moi je sais un peu de ce qui s'est passé par le livre et par les menus de procès. Delgado, il l'avait amené à l'air-tour. On lui a dit, tu arrives, tu contactes Granado et tout en bas. On pense que Delgado a été le voir. Granado, ils se sont rencontrés le 29. Et comme Granado, il avait des armes, ben ils ont dit, est-ce qu'on fait des armes? On suppose que Granado avait dit, bon, ici à Madrid, c'est difficile, on va l'amener dans mon village en Extremadour et on va les planquer là-bas. On suppose. Alors, manque de peau, je ne sais pas ce qui est trop passé, il avait une voiture, la voiture était en panne, quand il veut la faire démarrer, il y a un jeune culasse qui saute, emmerdé, parce qu'il fallait qu'il reste. En plus, les circonstances encore plus emmerdantes, les jeunes culasses sautent, ça coûte extrêmement cher, et ils n'avaient pas d'argent pour payer. Alors, pourquoi ils n'avaient pas d'argent, on en parlera. Comme ça, je vais tout de suite. Hein. Parce qu'en fait, Granada était venu pour un mois seulement. Il n'était pas venu pour 2 mois. Et au bout d'un mois, il s'est cru en vacances un peu. Forcément, il vient pour un mois et puis lui est obligé de rester là. Et bien, ensuite, il s'est cru en vacances. Quoi. Et là, le peu d'argent qu'il a, il a un peu dépensé. Ce qui fait que le jeune que la saute, pas d'argent, ils ont un télégramme à Paris ou en Avignon, en disant on n'a pas d'argent. Voilà, alors tout ça c'est le. Bon, alors tout ça c'est là qu'ils s'enchaînent. C'est là qu'ils s'enchaînent parce qu'effectivement, le 29 à 17h, la bombe saute, la police se met à chercher. Et puis 2 jours après, ils sont arrêtés. Alors ils sont pas arrêtés ici. Ils sont pas arrêtés. Ils sont arrêtés ici. Ça c'est le Palais Royal. Là je rappelle le Palais Royal. Ça c'est la carte du Nord parce qu'ils avaient été à la gare du Nord parce qu'ici il y avait un copain. Gambin, un copain de Granado, qui était un peu pour le coup aussi, hein, qui travaillait à la gare. Et donc ils vont tous les deux à la gare du Nord, dans le bureau de Gambin, ils parlent avec eux, ils sortent, et celle-là, pour quelqu'un qui connaît Madrid, il y a un truc. Parce que ça, c'est le Palais Royal. Ça, c'est le jardin de Sabatini. Ça, c'est le Campo del Moro. Comment c'est un grand jardin derrière le palais. Et là, c'est un mur qui fait, je ne sais pas l'échelle, mais il fait bien une centaine de mètres. C'est un mur qui fait une centaine de mètres de long et à peu près 2 mètres de hauteur. Ici, il y a des gardes. Là, il y a des gardes. Parce que ça, c'est la maison. Campo del Moro, les jardins du palais royal, c'est au palais royal que Franco recevait les ambassadeurs. Donc, ça, c'est interdit. Il y avait des gardes. Et la police dit, c'est ici qu'ils sont fait arrêter. C'est quand même assez étonnant. Et ils disent, ils sont fait arrêter ici parce qu'ils draguaient des filles. Parce qu'il y avait deux ou trois filles qui étaient espagnoles, des polonaises. Ils disaient qu'ils avaient dragué et puis les filles s'étaient plaintes, ils sont fait arrêter ici. En réfléchissant bien, c'est vrai que ils ne pouvaient pas dire que c'était ici, par exemple. On n'a jamais su réellement où ils sont fait arrêter. Certains disent, dans les journaux, ils disent qu'ils sont fait arrêter ici. Parce que si effectivement, les touristes qui viennent voir le palais royal, ou qui viennent par ici, parce que c'est l'église de la Madone, ici, généralement, il y a beaucoup de gens qui viennent voir, des touristes, tout ça. À la limite, ils auraient pu dire, c'est ici. Enfin, d'après tous les papiers, c'est ici qu'ils sont fait. Or ici, c'est quand même louche. Que ici, alors qu'il y a tout plein de... Il n'y a personne normalement. C'est un grand truc. C'est un mur de 100 mètres de long et puis environ 3 mètres de hauteur. Il n'y a pas de touristes là-dedans. C'est fou. Mais il fallait bien qu'ils disent un endroit possible où ils ont pu les arrêter. Parce qu'ils s'avaient arrêté ici, on leur dit c'est un bon chardin. Forcément, s'ils avaient été arrêtés dans une petite rue, forcément c'est un beau chardage. Il fallait que ce soit dans un endroit où il y a des touristes. Hein? Voilà. Et donc, c'est ici. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, après, le copain a parti que je vous ai dit. Eux, ils sont fait arrêter. Ils sont fait arrêter le 1er août. Ils sont fait arrêter le 1er août. Ils sont été. On donnait le 12 et exécuté le 17. Hein. Et moi, le hasard a voulu que le 12, j'étais en Espagne, puisque j'avais renouvelé le DNI, document national d'identité, qui est à la date du 12 aussi. Hein. C'est un hasard. Parce que quand je suis là-bas, je dis, pour passer inaperçu, le mieux est que je circule avec des documents espagnols et que j'ai un boulot en Espagne. C'est pour ça que j'avais trouvé un boulot à Barcelone, à Olivetti, et que j'avais fait le DNI. Sinon, avec le passeport, on aurait pu en mettre. Bon, alors ça c'est un peu pour situer l'affaire. Bon, ici, c'est la DGS. Ici, c'est un endroit assez connu, c'est la Calle Correos. Ici, c'est un bar. C'est un bar qui s'appelle le bar Roldan. C'est fréquenté par des policiers. C'est là qu'a explosé la bombe que le TAMI qui a fait 18 morts. Flic. Environ 2 ans. Voilà. Alors là, voilà. Alors maintenant j'ai terminé pour situer un peu la géographie du truc. Hein. Et maintenant je vais vous raconter un peu la lecture du journal ABC. ABC. Et à l'époque, c'est un journal qui existe toujours, hein. C'est un peu l'équivalent du Figaro. Hein. À l'époque, il y a ABC, Ya, qui était un peu assez proche de l'Église, et Arriva, qui était proche de phalangistes. Hein. Donc voilà ce qu'il dit la lecture du journal ABC. Je vais essayer de traduire en français. Le 30 juillet. Deux attentats terroristes à Madrid, lundi 29 de juillet. Un criminel attentat dans la Direction Générale de la Sécurité. Autour de 18h, de la section des passeports, et à 24h, un autre attentat de la partie gauche de la porte principale de l'édifice de la Délégation nationale des nationale, des syndicats. En fait, ce n'est pas la, la partie gauche de la porte principale, c'était pas la porte principale, c'était à côté. Ça, c'est le mardi. Le mercredi, les enfants, Maria del Carmen Anguita, Israel Pérez Muñoz et Rosa García Plaza, blessés. Le plastique éclata sous un banc. Il y a eu 100 personnes blessées. Jeudi, Maria Carmen Anguita, la situation de Maria Carmen s'améliore. Le chef d'État, le chef d'État, lui a fait une donation. Maria Carmen se plaint d'avoir perdu sa robe. Franco commande qu'elle soit guérie en lui en faisant cadeau de tous ses robes et tout ce qu'il a perdu. En fait, contrairement à ce qu'ils disent, quand on regarde bien, les blessés n'étaient pas si blessés que ça. Parce que si on parle uniquement de robes esquintées, en fait, il n'y a pas eu de blessés graves. Il y a eu du bruit, parce que ces machins-là, ça fait du bruit, surtout lorsque c'est rendu à lieu comme ça. Ça fait du bruit. Ça aurait pu être dangereux, effectivement, mais il n'y a pas eu de blessé grave, contre moi ce qu'il dit. Ensuite, le vendredi 2, retour de Fraga Iribarne du Pérou. Fraga Iribarne, c'était le ministre de l'Information, était au Pérou, il revient, le vendredi 2. Le samedi 3, alors ils disent que l'arrestation de Genaro Delgado, ils disent que le directeur général de la sécurité, Arias Navarro, qu'on a appelé le Pouché de Malaga, était directeur de la DGS, et puis après la mort de Franco, c'était le premier ministre. Et lui-même, Arias, d'après l'oncle de Granado, est intervenu. Et lui-même, il a donné des coups aux prisonniers. Bon, ils disent qu'on avait un arsenal que Delgado de Granada avait un arsenal d'une vingtaine de kilos de plastique, un appareil de radio et des armes. Bon. Dimanche, les auteurs des attentats étaient des terroristes professionnels. Aussi, il y a deux de ses complices ont été mis à disposition des autorités. Il faisait des coquettes amoureuses dans la Puerta del Sol Neptuno Retiro. C'est étonnant parce que la Puerta del Sol Neptuno Retiro, c'est vrai, sont des lieux qui disent quelque chose, mais pas pour des conquêtes amoureuses. Parce que c'est la Puerta del Sol, c'est ici, donc là où il y a lieu l'attentat. Neptuno, pour ceux qui viennent de Madrid, se trouve en face du Prado. C'est là Neptuno. Et Ariño, qu'on n'a pas encore parlé, qui a été normalement envoyé par Guerrero. Parce que comme les copains de Paris disaient c'est fini, on ne peut rien faire contre l'attentat, on ne peut pas le faire. C'est là qu'interviennent Cipriano Meira et Pasquale, qui disent, bon, vous ne pouvez pas le faire, mais Guerrero a une équipe disposée à le faire. Et donc, Guerrero envoie Ariño pour prendre contact avec Granada. Et le lieu de rendez-vous, comme par hasard, c'était ici, à côté de Neptune. Ariño et Granada, avant, devait se voir ici. Il se trouve qu'ils n'ont pas pu se voir. C'est étonnant. Enfin, ils avaient rendez-vous deux jours de suite. Le premier jour, ils n'ont pas pu se voir parce qu'Arigno n'avait pas son passeport. Mais le lendemain, ils auraient pu se voir. Pourquoi ils ne sont pas vus, c'est un mystère. Parce qu'il faut voir que ça, c'est le plat. Ça, c'est la place où il y a le statut de Goya. Et c'est une place qui est le double d'ici. Donc je vois difficilement qu'il n'est pas plus loin. L'un des deux n'est pas allé. Pour moi, là, pour moi, l'un des deux n'est pas allé au rendez-vous. C'est tout ce que je veux dire. Parce que c'est pratiquement impossible de ne pas se voir. Vous voyez, c'est une place comme ici, à peu près, et c'est comme le double d'ici, et au milieu, il y a la statue de Goliath. Comme il ne peut se voir, moi, mon avis, c'est quand il a eu peur, et puis il n'est pas allé. Bon, mais quand même, ça a une signification que les journaux disent, mais tout non, c'est ici, donc c'est le Retiro, c'est un parc. Et là, et aussi, ils avaient rendez-vous parce que Granado avait été là pour ramasser une valise avec des armes. Il parle aussi de la patate Castilla, où aussi ils avaient rendez-vous, Granado a eu rendez-vous avec d'autres copains pour avoir le complément d'armes. Donc, ce qu'ils disent, les conquêtes amoureuses, c'est pas vrai, c'est des rendez-vous réels. Que Granado avait avec des copains qui devaient lui apporter des armes. Parce que les armes ont été apportées en Espagne plusieurs fois. D'abord depuis la France, ils étaient avec un, je sais pas ce que c'est, une voiture, mais je ne me souviens pas laquelle. Une voiture, ils avaient déjà des armes, soit un pistolet, mais le complément, on lui a remis après. Bon, donc c'est jeudi 8, à la Quemada, un dangereux terroriste a été tué par la guerre civile. Effectivement, le 8 août, à la Quemada a été tué, le 8, donc ça fait quelques jours après, avant les autres, hein, avant la canon de guerre. Alors là, il raconte une vague histoire sur justement à la Quemada. À la fin de la guerre, il s'est enfui en France. Il rentre au Parti communiste. Et alors, vous voyez le franquisme, les amalgames. Ils disent qu'à la Quemada, une fois la guerre d'Espagne terminée, s'enfuit en France et rentra dans le Parti communiste en étant directement sous les ordres des chefs de la FAI. Et spécialement de Hassania. Alors, tu vois le truc, les manipulations terribles. Sous les ordres des chefs de la faille dans le Parti communiste. Alors, ouais. Bon. Alors bon, après raconte le 12, il y a eu donc le procès. Le 17, rien. Et c'est le 17 que les canons ont été exécutés. Les journaux n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit. Après le 19, ils disent, il y a des anarchistes qui ont été arrêtés en France, à Paris. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'à le 19 septembre, ils ont arrêté des copains à Paris, pas seulement de Paris, de Perpignan, d'Avignon. Ils sont restés environ 6 mois. Et puis après, ils ont été relâchés petit à petit. Alors voilà, en gros, c'est ce que disent les journaux espagnols de l'époque. Alors bon, après, une fois qu'on aura vu le film, je vais vous parler un peu du livre et vous donner des détails un peu sur comment se déroule le procès, les anomalies que je vois, et puis aussi, pourquoi pas, au sujet des personnages que l'on voit là, ce que j'en pense, hein. En particulier de Guerrero, ce que j'en pense, hein. Ce que j'en pense, et puis des uns et des autres. Mais ça, je peux rien affirmer, c'est mon impression personnelle. Hein. Ouais. Et puis je parlais un peu des familles, ce qui est un personnage qui ne figure nulle part, c'est Inocencio Martínez. Qui a trompé dans 2 ou 3 affaires, bon, aussi. Et là, je vous en parlais de tout ça après. Je sais quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Simplement, je vais faire un petit commentaire. D'abord, sur la participation, sur ma participation au fait. Hein. Parce qu'à l'époque, je vivais en France, je vivais à Paris. J'ai travaillé à la compagnie de télégraphie sans fil à Issy-les-Moulineaux. Et j'ai décidé avec un autre copain qui ne figure pas là, parce qu'en fait j'étais avec un autre ami, et nous on pensait rester en Espagne, parce qu'on s'était rendu compte que jouer un peu au Spoutnik entre la France et l'Espagne, ça n'allait pas. Et nous avions décidé d'aller nous installer à Barcelone. Pas à Madrid, parce que le copain avec lequel j'allais était aussi de Madrid. Et là-bas, on connaissait beaucoup de monde. Et on voulait être tranquille. Donc on est allé d'abord à Barcelone, on a acheté du boulot à Barcelone. Et bon, on peut dire que nous, on travaillait donc à Paris. Moi, je travaillais à la CSF, le copain il travaillait à Citroën, les trucs mécaniciens là-bas. C'est un copain qui avait d'abord en Allemagne. C'était un ancien parachutiste. Il avait fait la guerre au Sahara, à Sidi Ifni, au Rio de Oro. Et tous les deux, en accord avec l'EDI, c'est là que j'ai connu Boticario, je le connaissais très bien. Nous avons décidé d'aller là-bas. Et avant d'y aller, je connaissais le copain avec lequel j'ai actué là. Hein. Le copain et son oncle, c'est Barrouche. C'est quand les anciens de la CNT le connaissent, Barrouche. Barrouche qui était un copain de Cipénomène. Je ne sais pas, quelqu'un d'étranger, au mouvement. Bon, donc nous on a quitté, moi j'ai quitté mon boulot le 5 juillet. Je suis allé à Barcelone. Avec le copain Rubio, on est allé à Madrid. Personnellement, j'ai fait le document national d'identité parce que je voulais avoir des papiers officiels espagnols. Le copain est retourné à Barcelone, il avait aussi fait, il est retourné. Et puis, je suis entré en contact avec Serge parce qu'il y a du monde. On a fait notre affaire. Lui, il est parti, on ne s'est pas revu, il est parti le jour même en voiture, et moi je suis retourné à Barcelone. Et en fait, si j'ai quitté l'Espagne à ce moment-là, ce n'est pas tellement à cause de cette affaire-là. C'est parce qu'étant là-bas, à Barcelone, nous avons appris qu'un autre copain, Juan Salcedo, avait été arrêté. Juan Salcedo, il avait été condamné à 90 ans de prison après, il a été arrêté. Et justement, je connaissais bien Juan Salcedo, et surtout le copain avec lequel j'étais, que j'appelle Rubio dans le jeu. Ben, il avait été avec lui. Ils avaient fait des choses ensemble. Et on s'est dit, s'ils ont arrêté Salcedo, il a dû parler. Ils ont dû retrouver par les hôtels qu'ils ont fréquentés, parce qu'ils avaient été à l'hôtel, le nom de mon copain. Et on est cuit. Et donc, c'est en apprenant que Salcedo avait été arrêté que nous sommes revenus en France. Et là, en France, on a eu de la chance, parce qu'en revenant en France, ben, nous, comme nous étions partis définitivement, qui quittaient le pays, nous étions inconnus au bataillon. C'est-à-dire que moi, j'étais à la résidence des jeunes d'ici les Moulineaux, donc j'étais parti. Le copain n'avait pas de logement. Donc. Et avant d'aller en Espagne, nous avons été dans le sud de la France, à Cahors, chez un copain. Là, il y avait Gorruchari, ça s'appelait Gorruchari, il y avait Octavio Alberola. Nous avons essayé des armes, des mitraillettes et des armes. Parce qu'on s'était dit, il vaut mieux les essayer. Et heureusement qu'on les a essayés, parce que, hélas, avec ça, on est... C'est une catastrophe, parce que c'était des vieux coucous. Des vieux coucous vraiment inutilisables, réellement inutilisables. Enfin, nous, c'était vraiment le truc. Bon, on est allé là-bas, bon, on est revenu. Après, nous avons été tranquilles. Simplement, moi, j'étais expulsé de France en 68. Je ne sais pas encore les raisons. En 68, en avril. Avec un Bendit. Ben, je connaissais même pas un Bendit. Et le 17 avril, la police est venue nous voir expulsé. Ça, c'est une chose. Alors, je vais aussi raconter l'autre histoire de Valle de los Caídos pour voir que c'est symptomatique d'une façon de faire, d'une bonne ou mauvaise façon de faire. Bon, enfin, c'est comme ça. L'année d'avant, on m'avait commandé de faire un attentat dans le Valle de los Caídos. Avec Denet, Paul Denet, certains vous le connaissez, tous les deux, nous sommes descendus en Espagne. Nous avons mis le pétard. Moi, il se trouve que c'est une région que je connais bien, parce que c'est Madrid. Denet, avec Denet. Avec Denet, nous avons été là-bas, nous avons mis le pétard, nous sommes séparés. Denet est retourné tout de suite en France, et moi je suis resté là-bas. Enfin, on m'avait dit d'aller à Bilbao après ça. Après ça, on va faire ça, et à Bilbao. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur d'aller à Bilbao parce que c'est une ville que je ne connais pas. Et moi, j'aime pas aller dans un endroit que je ne connais pas. Et j'ai eu raison. Parce qu'en même temps que cette affaire-là, il était prévu de faire un attentat contre Franco au Pays Basque, une semaine après. Et je me demande toujours, en plus, celui qui m'avait dit d'aller à Bilbao, c'était le fameux Guerrero. Et moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'abord pour deux raisons. Parce que je ne connaissais pas Bilbao. Et la Nationale 1 en Espagne, c'est la route de Madrid à Irún, ou le train de Madrid à Irún, c'était super fliqué. Et moi, j'avais peur de ça. Donc, je suis retourné en France après, mais pas Valence, j'ai fait un large tour, et pas en prenant les trains, en prenant les autocars et tout. Parce que, en fait, je crois qu'une des raisons pour lesquelles il y a eu des arrestations, c'est que ceux qui étaient chargés de ça, ben, ils ne connaissaient pas l'Espagne. En fait, c'est mon idée. Hein. Je pense que ceux qui s'occupaient de ça, ils n'avaient plus de contact avec l'Espagne. Ils s'étaient réfugiés depuis très longtemps en France. À tel point que j'ai suivi un cours, mais un cours qui n'avait rien à voir avec ce qu'on allait faire. On m'a expliqué comment me déplacer dans la montagne. Lire des cartes d'état-major. Or, ça c'était parce que c'était l'époque de Castro, c'était les guérillas, en Espagne c'était Sabaté, mais ça n'adaptait pas du tout à l'époque où les actions à faire étaient en ville. Et on ne circule pas en ville comme on circule dans la montagne. Ça n'a rien à voir. Pour la montagne, il faut des spécialistes. Et nous, on allait agir devant les villes. Et si je manque là. En plus, l'Espagne avait changé. Hein. Et l'Espagne de 60 n'était pas l'Espagne de 45, l'Espagne de 50, elle avait beaucoup changé. Et je crois que c'est un manque de connaissances, du pays. Et oui. Alors, et c'était aggravé par le fait que nous, on avait voulu que la CNT, ce qui restait de la CNT espagnole vivant en Espagne, on voulait la mettre de côté, qui ne participe pas sur des choses. Et donc, on n'avait pas beaucoup d'appartements, de chaussures, et les copains allaient souvent dans des pensions, dans des hôtels. Et là, c'était extrêmement dangereux, parce que à l'époque, quand on est dans un hôtel, on était fiché, normalement, il ne se passe rien, vous allez dans un hôtel, il ne se passe rien. Mais s'il se passe quelque chose, la première chose que va faire la police, c'est aller regarder. D'ailleurs, une preuve que là, dans l'affaire de Francisco Delgado, la première chose que la police a fait, c'est donner ordre de, pas arrêter, mais à tous les jeunes qui venaient de France, leur demander où ils allaient et pourquoi faire. Ils s'en doutaient que s'il y avait des choses à faire, c'est depuis la France. Voilà. Alors ensuite, pour cette affaire-là qui m'occupe de Valle de los Caídos, ils en ont arrêté une vingtaine aussi à Madrid. Et il y avait un jeune qui accompagnait des touristes, des Français, des jeunes touristes. Ils avaient été à l'Escurial et comme ils avaient un peu de temps, ils disaient, tiens, on va aller voir le Valle de los Caídos. Et ils vont voir le Valle de los Caídos qui se trouve à une demi-heure. Et en plein milieu, ils étaient en train de regarder celui-là. Ils étaient à l'intérieur, boum! Ça saute, alors ils ont, d'après ce qu'il dit le copain, ils ont été effrayés, parce que forcément dans une église ça résonne terrible, et ils ont noté son nom. Bon, ils l'ont laissé partir, deux semaines après, la police est venue, en plus il avait oublié de tous les papiers compromettants de les mettre à la poubelle, en fait il n'a pas fait, ils ont trouvé des tracts de la santé. Et donc, ils sont arrêtés, par exemple, ils sont arrêtés, entre autres, lui, ils sont arrêtés Yetma, Viedma, c'est lui qui avait remplacé Guerrero, parce que Guerrero, avant qu'il vienne en France, était aux Jeunesses Libertaires. Et quand il est venu en France, il a été remplacé par Viedma. Donc ils en ont arrêté 10 ou 12. Et ils ont arrêté une copine espagnole qui était aussi à Londres, que j'ai eu l'occasion de voir. Et puis ils l'ont envoyé justement, je ne sais pas pourquoi, mais pour leur dire de se planquer, et il a été arrêté. Mais revenons un peu à ce Granada, Guerrero. Guerrero, je l'ai bien connu, parce que je l'ai vu plusieurs fois. Il était au courant de pas mal de choses. Par exemple, je suis sûr, et c'est pour ça que je doute moins, alors là, c'est une question personnelle, je doute qu'à ce moment-là, Guerrero était un mouchard. Et en 63. Je ne crois pas. Pourquoi je ne crois pas? C'est parce qu'il était au courant d'une autre bombe qu'il avait mise en Italie. Il était au courant de Los Caídos. Dans ce cas-là, je pense que s'il avait été un mouchard, il aurait donné mon nom. Peut-être aussi le nom de Rubin. Et puis, je n'ai pas eu l'impression. Il est sûrement devenu après. D'ailleurs, on ne devient pas ami de Pasqua comme il est actuellement, et qu'il le dit, là j'ai des papiers écrits par lui. On ne devient pas ami de Pasqua, ami de Marion, qui est le responsable de la police judiciaire en France, la police. On ne devient pas collaborateur de la police espagnole. D'ailleurs, on a vu une photo ici à Toulouse, dans le cadre d'Interpol, entouré de gardes du corps. Et on sait qu'il était l'un des adjoints de Raphaël Vert. Alors, ensuite, on sait, parce que par un commissaire de police, Rodriguez, qui dit qu'en 68, comme par hasard, Guerrero lui a donné un passeport, soi-disant donné par les compagnons anarchistes français. Il a ce commissaire à l'époque était d'extrême gauche. Hein. Maintenant, c'est un policier espagnol. À l'époque, il était de gauche. Comme par hasard, dès qu'il a traversé la frontière, il s'est fait arrêter avec ce passeport. Ensuite, quand Guerrero dit qu'il n'était pas au courant de cette affaire, alors là, personne n'est mort. Hein. J'invente pas. Il a écrit un livre. Contre esto y aquello. Livre. Et parmi ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Quand on écrit quelque chose, on le retrouve. Hein. On le retrouve, parce que lui-même, hein, il a, dans ce livre, et là, personne ne l'a inventé, hein, que je regarde, hein, personne ne l'a inventé. C'est une lettre que Arigno lui a écrite à son nom de guerre, qui s'appelait Hidalgo, et le plus là, et qu'il lui décrit le trajet de Franco, le trajet que devait prendre Franco pour aller depuis le Palacio de Oriente, pour aller vers la Corogne. Donc il décrit, voilà, c'est ici, lui-même il écrit. Il photographie une lettre, hein, dans laquelle c'est écrit en français, sorti de Franco le 26 juillet, des sources officieuses, il serait sorti de Madrid dans la matinée de jeudi 25, quoique aucun dispositif n'était mis sur place comme de coutume. Et c'est adressé à monsieur pour Hidalgo. Hidalgo, c'est le nom de Guerrero. Alors, quand il dit qu'il n'est pas au courant, alors que lui-même, oublie dans un livre qu'il a écrit lui ce type de littérature, c'est clair. C'est quand même gros, hein. Et là, il faudrait qu'il nous explique, quoi. C'est pour ça que nous, on a voulu de face à face lui parler. Moi, je ne crois pas qu'à ce moment-là, il était confiné en police. Mais c'était un type qui se croyait quelqu'un, hein, qui voulait briller et qui voulait faire une carrière dans la politique ou dans la police. Là, ils sont en l'occurrence, c'est la police. Et donc, de fil en aiguille, il est venu à collaborer avec le franquisme. Alors, Eduardo Blanco dit lui-même que lui... Alors, le problème, c'est ça, qu'avec les policiers, on ne sait jamais ce qu'ils cherchent. Hein? Et Eduardo Blanco dit carrément, dans une de ses interviews, que Guerrero avait collaboré avec le franquisme autant de francs. Hein? Ça il le dit. Alors, maintenant, pourquoi il le dit? Quel intérêt a-t-il à le dire? Ça, je n'en sais rien. Et ça, c'est... Ça, c'est des choses qui sont entre Eduardo Blanco, la police et Guerrero. Hein? Mais qu'actuellement, il soit dans ce milieu-là, c'est vrai. C'est vrai qu'il collabore avec la police. Il était adjoint direct de Vera. Et il a été utilisé par les socialistes comme intermédiaire entre l'ETA et le gouvernement espagnol, des socialistes, lors d'une réunion qu'il y a eu à Saint-Domingue. Alors ensuite, il faut voir son histoire. Il est libertaire, il fréquente après Álvarez del Bajo. En fait, il a une trajectoire sinueuse. Alors en plus, alors là, moi je l'accuse de lâcheté et de couardie. Alors là, carrément, en dehors de tout contexte. En dehors de tout contexte. Parce que quand même, rien que pour la mémoire des compagnons. Même si, qu'est-ce que ça lui coûtait, lui, de dire, effectivement, j'étais avec Ariño, j'avais des copains à Madrid, effectivement, Ariño était là pour servir d'intermédiaire avec les de ce qu'il est devenu. Parce qu'en définitive, comme je dis moi dans cette affaire-là, nous ne suivons pas une dynamique newtonienne. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on est là qu'il y a 30 ans, c'est pas réversible. En général, nous tous, nous sommes les fruits d'un processus même thermodynamique. Il n'y a pas d'irréversibilité. On va dire parce qu'aujourd'hui nous sommes là qu'il y a 30 ans, on était sûr qu'on était à notre endroit, comme c'est parce que 10 ans, on ne peut pas le dire. Donc ça, je ne critique pas. Je ne peux pas dire. Je pense qu'à ce moment-là, il n'était pas là. Par contre, ce que je critique c'est de faire tout en sorte, lui qui se disait ennemi public du franquisme numéro un, il a la lâcheté, d'abord, de ne pas accepter un débat de face à face, parce que ça, il n'a jamais accepté. À tel point que moi, quand j'étais devant le tribunal suprême, j'ai demandé que tous ceux qui ont participé au documentaire, tous ceux-là participent, soient interrogés par le juge. Et on avait demandé que, puisque Guerrero dit qu'il n'était pour rien, qu'on est en face à face et qu'on s'explique. Il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu. Forcément, ils sont tirés comme ça. Voilà. Alors il y a peut-être autre chose que je veux dire, parce que quand même il faut, les personnages, il faut quand même les savoir d'où ils sont, où ils viennent. Je prends Jesús Valenciano Almoya, le juge. Sa femme est avocate. Et elle a appuyé, c'est l'avocate de Ejero, celui qui a fait le coup d'État. Tejero, voilà, son avocate, c'est la femme de l'Almunia. Le juge chez lequel je suis passé, c'était un familier proche de Ruiz Jarabo. Ruiz Jarabo, c'était un ministre de la justice de Franco, et un des plus féroces. On voit que la justice espagnole, il y a encore des rallons franquistes pas mal. Voilà, c'est tout. Par rapport au procès, attends. Je voudrais savoir comment Guerrero a atterri au mouvement raciste. Oui. Je ne comprends plus parce qu'on nous l'a présenté comme un copain, et mon compagnon, il peut te le dire, pour nous, il a été quand même suspect, de suite, à Marseille, Oui, mais là, c'est marqué. Je me demandais comment ce gars, il avait atterri. Il était à la file. Toujours, il était à la file à Madrid. Et il était à la file. à la Fédération des Généraux Libertaires à Madrid, par l'intermédiaire de quelqu'un qui était très connu, mais je ne me souviens pas du nom, ici on peut le regarder, effectivement c'est quelqu'un, un militant de la CNT qui l'a introduit, un militant connu de Madrid. D'accord, nous on l'a présenté, comme un personnage très intelligent, ce qui était vrai. Guerrero Luca de la gente. Digo que Guerrero Luca ha sido siempre sospechoso para nosotros. De Marcelo. Sí, pero sí. No la presenté lo que 68 a Marcelo ya. Mira, membre de la gente. Il est sur la fiche. C'est un commentaire que je vais avoir viré. Puisqu'il est venu mal à meeting ici. Oui, voilà, voilà. 68 à Marseille. Oui. Guerrero Luca de la CNT en exil. Voilà, c'est ça. Voilà. Soriano. Soriano même. L'introducteur de Guerrero. L'introducteur de Guerrero dans l'organisation en France fue Fidel Gorron. Fidel Gorron. Gorron. Qui formait partie. Gorron. Qui était avec Ismaël Rodríguez au comité national de la CNT. Non, mais. Présenté à tout le monde comme le petit chéri, le fils spirituel de la Mancénie, de Germinales Léa, c'est tout ça. Moi j'étais présent, en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a présenté. C'est plus complexe. Je sais plus ce qu'il disait à ce moment-là. C'est plus complexe. Une chose qui m'étonne, moi, c'est le fait qu'il y ait. Il y a en parallèle de préparation de l'attentat, oui. Dont un, comme tu dis, qui est fait pour faire du bruit, et l'autre qui au contraire me semblait essentiel. Oui. Je veux dire, l'assassinat de Franco, c'est quand même pas, c'était quand même pas négligeable. Oui. Et pourquoi compromettre l'action essentielle avec une action qui sert à faire du bruit? À nous, l'action essentielle, c'est là. Les Espagnols avaient la mission capitale, c'est-à-dire que celui qui était élu pour ça. Mais nous, on nous a dit, c'est pour que la police, aiguille la police vers. C'est pour attention. Attention. Mission capitale. Mission capitale. C'est la mission capitale. Voilà. Il me semble tout à fait justifié, en plus. Voilà. Ça, on m'a dit que c'est ça, hein. C'est pour disperser la police, pour aiguiller la police dans son processus. Ou alors, excusez-moi. Non mais, moi c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, à l'époque j'étais jeune et je ne m'occupais pas. Moi, maintenant, X années après, tu comprends bien que quand tu vas faire un attentat, faire du bruit, dans une ville qui s'appelle Madrid, la capitale, à 4 pas de l'endroit où dort le chef du régime, la police, elle ne va rien faire, elle va être tranquille. Et surtout la DGS. Qui est le assez con pour envoyer deux missions au même endroit. Ils auraient fait du bruit à Barcelone, à Bilbao, je ne sais pas où, à Valence peut-être. Non, c'est sûr que. Mais ça, c'est des questions que, bon, stratégiques, tactiques, ça c'est sûr. Voilà. Ça, eux, ils ont pensé qu'il fallait faire du bruit, et à Madrid, effectivement. Ça veut forcément faire du bruit. C'est comme si à Paris, on met un pétard à la commandature, autour des Allemands. Enfin, c'est le truc, c'est au lieu de la tour. Ils savaient bien qu'ils allaient faire quelque chose. C'est sûr. Hein. Faire du bruit, oui, mais à condition que l'autre commando soit à l'abri. Et oui, mais il faut envoyer le concours de circonstances. Grado, on dû rester seulement un mois, là, et pas deux mois. à moi. Mais ils se sont dit, c'est toujours la même chose, ils se sont dit, je pense. Et c'est là que le manque de rigueur, en fait. Si on dit un mois, c'est un mois. C'est pas deux mois. Comme Delgado, si on lui dit, tu te donnes un billet aller-retour, c'est un aller-retour. C'est pas tant d'une semaine. S'il avait été voir Granado, il était revenu en France, il ne serait rien arrivé. Mais ça, c'est un peu comme discipline. Dire, on te donne le billet aller-retour, c'est pour aller-retour, et pas aller rester une semaine. Quoi qu'il se passe, toi tu y vas et tu reviens. Ah non, mais ça c'est le manque de discipline. Alors là, c'est le manque de discipline. C'est un peu curieux qu'un demi-dieu anarchiste qui s'accable à la liberté, il y a des gens qui décident pour d'autres de la meilleure mission, que cela, où ils n'ont pas d'autonomie, où ils n'obéissent pas, mais dans les deux cas, c'est plutôt une transparence. Mais moi, ça m'a fait penser à tous les agents du terrorisme. Je me demande comment on a pu tuer Carrara Bianco, et pas le rater. Et que Franco, il a régné par la droite. Mais c'était pas les anarchistes qui ont fait sauter Carrero. Donc Franco, il a pu régner, avec tous les anarchistes qui avaient en France, y compris les Français, il est pu régner aussi l'OTAN en échappant à tous les attentats. Et il n'a pas eu. Il y a Mussolini, Hitler, tout ça, et Staline, ils ne sont pas morts à coup de temps. Hein. Non, ouais, ils ne sont pas morts. Il n'y a pas du OTAN, mais Franco. Ils sont mis des morts naturelles. C'est une expérience, ça, et la lutte qu'il y avait entre les anciens et les nouveaux. Voilà. Les anciens, ils ne se faisaient pas écouter par les nouveaux. Ça, tout le monde le sait. Il y a eu une rivalité entre Martinetti et la Philo. Et c'est à partir de là que toutes ces merdes sont arrivées. Parce qu'il n'y a pas eu confiance avec, entre les jeunes et les vieux. Moi, c'est mon idée. Hein. D'après tout ce que j'ai vu. Une génération. Hein. Oui, mais les générations, et on doit quand même se fier aux personnes qui ont de l'expérience. Et pas qu'il arrive de la pile comme ça. Et il y avait un petit homme en mer, c'était pas un genou quand même, alors. Écoute, quand on était dans les campings, il était aussi bien que moi, il allait faire des attentats et tout le monde le savait avant que ça se passe. Hein. Non, mais c'est la vérité, là, il le sait lui. On allait dans les campings libertaires et on savait déjà qu'on allait faire des attentats chez maman. C'est aberrant ça. D'accord, mais en fait. Non mais attention, il a fallu 30 ans. Moi je savais pas que lui il était. Voilà. Il a fallu 30 ans pour que les gens sachent que c'est moi. Même ma mère, mes parents, ma femme, mon fils, personne ne savait rien. Quoi. Donc il est vrai que moi, je ne suis pas un parleur comme ça de réunion. Et puis je sais quand même tenir ma langue. Et puis voilà. Et puis voilà, je sais tenir ma langue, et puis je raconte ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas. En fait, mais c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas su tenir la langue. Alors en plus, alors là c'est un problème, tu as raison dans un certain côté, mais pas dans l'autre. Je pense que le grand tort qu'il y a eu à la CNT, c'est qu'au bout d'un instant, au bout de 20 ans, parce que ça c'est les choses qui sont passées en 60 ans, mais malgré tout, les réfugiés étaient installés. Ils s'étaient installés. La plupart, quand ils payaient l'Espagne, c'était l'Espagne de 36. On vivait sur une certaine idée. Beaucoup n'étaient plus retournés en Espagne. Et le franquisme avait changé, l'Espagne avait changé. Ce n'était plus l'époque, la CNT n'était pas aussi forte. Ensuite, les copains étaient malgré tout installés. Moi, je me souviens à Sainte-Marthe. Eh oui, c'est qu'il y avait des discussions sérieuses. Hein. Sauf qu'il fallait faire vite, parce qu'à midi, il fallait bouffer, il y avait de la paella. Ou bien, eh oui, et ça va pas. Et on ne peut pas mélanger les choses importantes, les choses culturelles, avec les problèmes d'action. Il faut que ce soit complètement séparé. Et ça, c'est effectivement, on n'a pas su faire. D'autre part, il y a aussi des personnes qui sont bons peut-être pour parler, animer, mais qui ne sont pas faits pour avoir de l'action armée, qui implique un autre type de personnes, un type de personnalité, d'autres connaissances. Si on mélange les deux, ça ne marche pas. Moi j'ai dit franchement, quand j'étais avec mon copain qui avait été parachutiste, qui avait fait la guerre à Sidi Ifni, j'étais en sécurité avec lui. Parce que lui, lui n'aurait pas hésité à sortir son flingue et tuer. Alors que d'autres, c'était pas le cas. Tu vois, il y a toute une mentalité pour avoir les armes armées qu'on ne l'a pas. Et nous, je reconnais que les libertaires, il y a un problème qui se pose. Quand on parle toujours de liberté entre nous, d'autogestion, et que tout à coup, on nous dit de faire une action armée, qui n'est pas autogérée, une action armée, c'est pas vrai. Il faut prendre une décision et s'en tenir, parce qu'on organise la vie des gens. C'est tout à fait une conception, une mentalité différente. Et c'est ce qui fait que des fois, on hésite. Moi, je connais des amis qui ont hésité de flinguer un buraliste, parce qu'il le fallait du pognon. À un moment donné, ils ont été piqués de l'argent, ils ont été attirés, ils sont été arrêtés. Parce que pour faire ça, ça demande une mentalité, ça demande la formation, entre guillemets, que nous n'avons pas. Et de là, beaucoup. D'accord, mais alors il faut savoir. Ah non, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. À ce moment-là, on fait ou on ne fait pas. C'est pas de demi-mille, c'est pas de même mesure, où on fait ou on fait pas. 15 ans après, il y a eu le 1000 aussi, avec Pugnantiche et les compagnies, à cette époque-là, c'est de source sûre qu'ils n'ont pas hésité à flinguer. Hein. Oui. Merci, monsieur. Ils ont fait des erreurs aussi. C'est un bon copain. Je vais évoquer des souvenirs qui sont très lointains, mais le milieu libertaire espagnol, pas plus que le français, n'est peut-être préparé à ce genre de combat. Moi, je me rappelle que mon vieux copain qui a disparu me disait quand nous avions une action violente, il ne fallait être au courant que les participants directs. Il dit pas que le lendemain, s'il y avait la moindre confidence, la femme le savait, qu'il le disait en secret à la femme de l'autre, et ainsi de suite. Et en fin de compte, on se retrouvait avec eux. C'était du temps de Primo Rivera, et on se retrouvait avec les pistoleros en face de nous. Alors il dit, on ne dans l'action violente en Espagne, ainsi de suite, eh bien, ne pouvait la faire et ne pouvait obtenir des résultats que des gens qui savaient se taire et qui étaient directement impliqués. À partir du moment où ça débordait, c'était fini. Mais c'est la bisbille qu'il y a eu. Hein. Non, c'est pas la bisbille, c'est que le milieu n'était pas préparé à ça. Ah non, c'était l'ancienne idée de faire. Mais même si vous aviez dit... Oui, mais attends, mais écoute, non. Mais le DI, c'est pas les jeunes qui l'ont inventé. Le DI, oui. L'organisme, c'est bien la CNT qui l'a voté dans un congrès. Il savait bien pourquoi c'était le DI. C'était pas pour aller coller des affiches. Il n'y avait pas que des gens de 20 ans ou de 18 ans. Non, il n'y a pas d'autres, non. Mais le DI, c'est pas les jeunes qui l'ont inventé. C'est la CNT qui l'a inventé. Et c'était en vue d'action bien précise. Qu'après, pour des problèmes techniques, les gens étaient à la hauteur ou pas à la hauteur, c'est un autre problème. Mais le fait est là. C'est que le DI, c'est la CNT qui l'a créé. Ça n'a pas été spontané. Qu'après, à un moment donné, on aurait dû dire, écoute, stoppons tout, ça ne marche plus, peut-être. Mais il faut connaître que quand on lance un processus comme ça, ça devient incontrôlable. Parce que là-dedans, il n'y avait pas que des libertaires. À l'époque, c'était le castrisme. Par exemple, Granado n'était pas libertaire. Delgado était libertaire. Granada n'était pas. Lui, il était dans des groupes plus ou moins castristes. Hein, et il n'était pas libertaire, contrairement à ce que l'on dit. Mais il a travaillé avec Vicente Martí, mais toute l'équipe qui était autour de Granada, comme Vicente Martínez, comme Borrego qui s'est arrêté, n'était pas de libertaire. Hein, et puis voilà, alors, je vous dis un cas parce que c'est curieux. Le cas de Vicente Martínez. Martinez, le jour qu'il s'est fait arrêter, la première personne qui a voit, c'est la femme de Granada. Parce qu'ils travaillaient ensemble. Et il semble que, d'après aussi un policier de haut rang, un an avant, Martinez lui a envoyé une lettre en disant attention, Granada, ceci, cela. Puis, un mois avant, pendant que Granada était en Espagne, il a encore envoyé une lettre. Ce Martinez au flic en disant Granado est en Espagne. Le flic dit j'ai pas lu la lettre parce qu'à l'époque il était en Galice. Bon, pourquoi le flic dit que Martinez était déjà confident, on n'en sait rien. Enfin, on le retrouve après avec Edo, on le retrouve en 78 avec Alberola, 74. 74, et puis derrière moi en tout cas, c'est extraordinaire. La petite fille de Martinez va à Barcelone, à la locale de la Sente, il voit Edo. Oui, c'est lui, il voit, et lui dit, écoute, mon grand-père, je sais qu'il était au Gary, je sais pas quoi, et puis je sais qu'il était un combattant anti-franquiste. Et donc, je voulais, comme elle faisait toute l'histoire, moi, je voulais savoir ce qu'il a fait. Et donc, écoute, je sais pas, mais enfin, celui qui connaît le mieux, c'est Alderola. Et voilà que la femme de Hilde Martinez et sa fille vont à Paris. Et il voit donc Alberola. Alberola lui explique le processus. Il dit, voilà, quand je te donne ce bouquin-là, tu verras qui était ton père. Ils sont tombés du haut, parce qu'en croyant la petite fille que c'était un antifranquiste, ils savaient que c'était un collaborateur de la police. Mais ça se fait. Alberola, il a mis 20 ans sans l'apercevoir. Il faisait déjà allusion des dissensions qu'il y avait, c'est-à-dire au point de vue déjà de la pratique. Et y compris par rapport à une certaine infiltration bien réelle dans le mouvement anard via la CNT. Donc c'était une réalité. Ça rejoint un petit peu ce que tu dis par rapport à cet épisode. Donc c'est pas isolé. Alors le problème c'est que là, dans cette affaire-là, franchement, il y a tellement de bêtises que maintenant on ne sait pas qui a fait quoi. Par exemple, Granado à Madrid au bout d'un mois, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'on nous avait dit, là je me souviens, hein, on m'avait dit, surtout pas de femme. Surtout pas de femme. Hein, pas de femme dans l'histoire. Surtout quand on va pour faire des choses comme ça. Pas de femme, pourquoi? Parce que le stress sur l'oreiller, on peut se lever des confidences. Et là, pas de femme. Lui, qu'est-ce qu'il trouve ayant une femme et des enfants, hein, ils se trouvent une copine. Bon, bah oui, mais le problème, ça dépend du caractère. C'est qu'une fois, ils sont dans un bistrot. C'est lequel qui est le signe déjà? Ganado, celui-là. Étant dans un bistrot à Madrid, il y a un type qui vient, et qui se comporte, je ne sais pas quoi, si c'est avec sa copine ou pas. Et lui, ben, c'est toujours la même chose. On agresse un peu sa copine, il vient à la défense. Vient la défense, petite bagarre. Comme Granado était un peu en faiblesse, c'est-à-dire que l'autre était plus costaud, que fait Granado? Il va à sa voiture, il sort son revolver, il revient au bistrot, et en plein milieu avec le bistrot, il sort le revolver. Première question, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas quelqu'un dans le bistrot, peut-être le patron du bar, qui a dit attention, ce type-là, il a un pistolet. Qui nous dit que la fille qu'il avait promis de marier, et en Espagne, on sait très bien que les filles voulaient venir en France pour trouver du boulot, il a trouvé un gars, un chouette, comme ça je peux rentrer en France. Qui se dit que elle, lorsque c'est pas elle, quand il y a eu la bombe, il nous dit, ah ben tiens, comme Ganado avait le pistolet, qui nous dit qu'il n'a pas été dénoncé? Ensuite, il a parlé avec des gens dans le bistrot, en disant, voilà, on va créer un groupe de la file ici, qui nous dit qu'il n'a pas été bouchardé? Et ensuite, Delgado, un autre problème, Delgado, il était connu parce qu'il avait été en Espagne plusieurs fois. Il y a même Là, j'ai un petit texte dans lequel on le voit filmer Collioure, pas Collioure, à Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane, il avait des responsabilités. Et à Oradour-sur-Glane, ils ont fait quelque chose, et on voit une photo. Il y a une photo de lui. En général, ces photos-là, peut-être des gens cherchent qui ça. Peut-être que ça aboutit à la police. Bon. Donc, et en Espagne, il a fait des choses. Il, en particulier, avec son neveu du côté de l'Almérie, il s'est collé des affiches. Alors, il y a encore un truc extraordinaire. C'est qu'ils ont pu avoir peur. Par exemple, le père de son neveu, quoi, son oncle, il a eu la frousse. Quand il a entendu par la radio que Granado, que le délégado s'était fait arrêter, il s'est précipité à la police pour dire qu'il connaissait bien et même que son fils l'avait aidé à coller les affiches. Résultat, le fils a été en prison 25 ans. Mais ça, on l'a appris avec ça, parce que la famille ici était dit quand même, ça fait longtemps que ma famille d'Almeria, on ne la voit plus, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est parce que maintenant on a appris, c'est le père qui a dénoncé le fils. Alors, c'est vrai que dans cette histoire-là, moi, c'est pour ça que j'ai été ému, parce que j'ai trouvé d'où l'importance que quand quelqu'un a des responsabilités importantes, c'est pas seulement la personne qu'on doit voir ce qu'il vaut, c'est son entourage. C'est pas suffisant, on dit. L'entourage, parce qu'à un moment donné, on peut se trouver devant un bouillon de culture ingérable. Moi, je sais qu'il était dans un bouillon de culture ingérable. Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé tout seul. Tout seul. Hein. Je me suis retrouvé que les gens avaient peur. Parce que maintenant, évidemment, tout le monde en parle. Donc, c'est pas grave tout ça. Mais à l'époque, je me suis retrouvé tout seul. Hein. Avec ma mère en Espagne dans le coma irréversible, avec la mère de Sergio qui me dit si jamais ça se passe, je meurs. Ah, je me suis trouvé avec Aligno qui lui, je l'ai jamais vu parce qu'il ne veut pas apparaître. Hein? Bon, voilà. Et moi, j'ai eu des gros problèmes parce que c'est vrai, les coïncidences, c'est extraordinaire. Je suis passé au tribunal suprême le 7 mai. Oui, par exemple, le 7 mai. Le 7 mai, je suis passé. Et je suis allé, enfin, je savais qu'ils allaient m'avertir, mais je suis arrivé le 5 à Madrid. Résume un peu, parce que ça, c'est la démarche actuelle. Voilà. Alors, donne l'année. Oui, parce qu'en fait, le film a été en 94, le premier, 95. Le 96, c'était la projection, quand il était en Espagne, et comme le juge, là, il avait dit qu'il était disposé à se présenter devant un tribunal, on a demandé la révision du procès. Ah, parce qu'il dit qu'il est disposé. Bon, mais tout de suite, on part un avocat de Madrid, je suis allé, j'ai fait une déclaration écrite, parce que, mettez-moi, la télévision, ce qu'on dit ici, ça n'a aucune valeur. Par contre, quand on écrit au tribunal suprême et on explique, bon. Bon, résultat, je savais qu'ils avaient. Parce qu'il faut voir pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi je me suis engagé. Après, je vais le dire. Enfin, résultat des courses, moi j'arrive le 5 et je dis à l'avocat, bon, coucou celui-là. Coucou celui-là. Et puis, j'avais 4 commandés qui m'invitaient pour le 7 à aller devant le tribunal suprême. Le 7. Bon, je téléphone encore aux avocats, bon, le 7 d'accord, à 10h du matin, ok. Le 6 au matin, je reçois une lettre de la clinique de ma mère, qui m'a dit, ta mère est morte. Alors, donc, elle est morte, le 6, elle serait enterrée le 7, à la même heure, elle va le tribunal. Rebelote, je dois téléphoner à l'avocat, on lui dit, je ne peux pas parce que ma mère, elle vient de mourir. Voilà, au 30 ans, je fais des mesures du procès, quand je me présente devant les tribunaux, voilà que ma mère, qui était en coma irréversible depuis 2 ans et demi, elle meurt. Donc il a fallu, les juges ont dit, alors tu voulais raconter des histoires. On veut non seulement une lettre du médecin, le papier du médecin, mais aussi le papier de la municipalité. Alors il a fallu. Alors, on me donnait rendez-vous pour deux semaines après. Alors bon, donc deux semaines, c'était le 21, je suis allé voir. Et bon, on a discuté, je me suis expliqué, il y avait un papier que j'avais rédigé un an avant. Et puis voilà, et puis ils m'ont posé des questions. Il y avait deux juges, la secrétaire et puis un fiscal, un procureur. Je leur ai expliqué la même chose. Et après ils ont dit, vous n'avez pas de preuve. Alors leur truc, c'est. Parce que. Alors elle là se dit, moi je veux qu'il y ait Alberola, Guerrero, tout le monde ici. Hein. Je voudrais que tout le monde là. Ils ne convoquaient personne. En plus, le copain qui devait venir, sous la pression de sa famille, il s'est écroulé. Ils sont carrément liquéfiés. Et à Arigno, c'est la même chose, hein. Liquéfiés, quoi. Lorsqu'il fallait aller devant les juges, plus personne. Hein. Alors, c'est un peu le reproche que j'ai fait à tout le monde. C'est que si moi j'y allais, ça aurait coûté à tout le monde, on aurait pu écrire sa petite lettre. Parce que là, j'étais. Si, alors là, le tribunal a dit que ils ont été jugés et condamnés selon la légalité en vigueur. Et que moi, j'ai pas de preuve. Évidemment, dans ces cas-là, on n'a pas de preuve. Comment voulez-vous avoir une preuve? Alors, donc, on a remis ça dans les mains du tribunal constitutionnel. Il fallait prendre une photo. Le tribunal constitutionnel qui va juger incessamment sous peu. Peut-être avant la fin de l'année, parce que nous, on estime que le tribunal suprême aurait dû faire parler tous ceux qui ont participé. Pas que moi. Et éventuellement, le copain Sergio, ils ont pu très bien faire une commission rogatoire. Même s'ils ne voulaient pas venir, faire une commission rogatoire. Mais il est vrai que dans ce film-là, le plus ému, c'est moi. Mais je t'assure que les autres, ils sont mal. Hein. Le copain est détruit, Sergio. On le remarque pas. Il est détruit, Sergio. C'est un type qui s'est connu la haute ligne. Le parvenu ? Oui. Non, pas le barbu. Quel nom de famille? Hernandez. Sa femme m'a dit qu'il s'est cogné la tête contre les murs. Parce qu'il a culpabilisé. Et il est détruit. On ne dirait pas, mais il est détruit. Hein. Et il est détruit. Parce qu'il était jeune, il avait la vingtaine. Et puis après, il s'est retrouvé un peu isolé. Et même les familles. Hein. Tu vois, Marie, hein, qui a l'air solide. Hein. Elle n'est pas du tout solide. Elle n'est pas du tout solide. Hein. Et puis, ses sœurs non plus, sa sœur Roxane et son frère Richard, vraiment, ils sont pas solides. Alors, je me suis retrouvé un truc, Arigno a été le beau-frère de Ravane, Paco Ravane. Ah oui, parce qu'il est fils de la lui. C'est Paco Ravane, mais lui, il n'a pas voulu, alors, parce que maintenant, il a peu zen, quoi. Et on le voit savoir, il a peu zen, hein. Et sans doute qu'il ne veut plus entendre parler. Ceci dit, il y a aussi autre chose, que moi je ne m'explique pas. Peut-être c'est mon métier d'ingénieur informaticien qui me dit, toujours dans ma profession, on sait très bien que pour que ça marche, il faut tout analyser. Parce que si on laisse un point en l'air, c'est là que ça va foirer. Ça, d'où des tas de tests, des tas de choses que l'on fait, parce qu'on est sûr. Et là, je ne comprends pas leur façon de faire. Pourquoi? Et normalement, Arigno dit que c'est lui qui devait servir d'intermédiaire. Et donc, il devait prendre les armes. Or, il va à l'hôtel. Avec sa femme. Déjà, on ne va pas avec sa femme, à un hôtel en plus. Parce que, sans compter qu'il ne dit pas s'il avait vu les envoyés de Guerrero. C'est comme si moi je déménage, par exemple ici, je prends tout ça, à un moment donné, je mets toutes les chaises, tous les meubles dans une voiture, et je vais les amener où? Avant, il faut que je sache où je vais les mettre. Alors, donc, moi il y a des choses que je ne comprends pas. Mais comme je n'ai pas pu le poser les questions, je ne comprends pas. Parce que logiquement, on se renseigne pour savoir où on va mettre les choses. Parce que sinon, c'est pas la peine de déménager, à moins de les laisser dans la rue. Hein. et en plus avec sa femme. Donc dans des choses assez graves comme ça. Parce qu'il était en Espagne avec sa femme. Oui. Il était en Portugal. Qui il était avec Avignon. Il va avec sa femme. Il va avec sa femme pour justement s'occuper d'action directe. Alors là, moi je dis ça. Marc, je dis ça. Bon. Oui, c'est là où il s'avère qu'il risque d'y avoir de la manipulation. Ou un peu de légèreté. Un peu de légèreté aussi. Hein, un peu de légèreté. Amateurité. Question de légèreté. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Alexandre, à un moment donné, dans l'interview, là, il dit elle est venue me trouver, je ne sais pas qui est venu, pour me dire que Guerrero, il avait un groupe, etc. Mais comment Guerrero, qui n'était mandaté par personne, à ce moment-là, pouvait-il avoir un groupe à sa disposition? Et avec quels moyens? Ah, bah, attention, il faut voir le personnage que c'est. Oui, d'accord, mais réponds-moi. Officiellement, dans le mouvement, quelle mission avait-il? Aucune. Aucune. Non. De quel argent disposait-il? Parce que pour envoyer des types voyager et tout ça, il faut de l'argent quand même. Aucun, oui. Aucun. Et alors pourquoi Alexandre ne pose pas la question, mais en fait, que c'est ce mec, il a un groupe, soi-disant, d'où il sort le pognon? Qui sont ces gens qui sont autour de lui? Dans quel but il a un groupe de conspirateurs ou de gens prêts à l'action? Non, c'est vrai que Guerrero avait quand même des relations. Par exemple, il est venu ici, il avait des copains qui avaient été dans l'armée. Par exemple, il y en a deux ou trois qui avaient essayé d'enlever un avion. Il avait des relations dans ce milieu-là. Hein. Il était dans le milieu. Si, je pense que c'est pas un problème d'homme, peut-être un problème financier. Mais d'après Octavio, et moi je le sais que parce que dit Octavio, c'est Cipriano Mera et Pasquale qui lui ont dit, il a une équipe. Lui n'a pas cherché plus loin, parce que si Pernamé et Pascal lui ont dit. Mais il faut voir le personnage. Il était un peu mythomane. Il n'était pas tout à fait inventé pour se faire mousser. Pour dire que je ne suis pas non seul. J'ai des gens avec moi. Hein? Et beaucoup de gens l'ont cru. Et beaucoup de gens. Et là, c'est un des problèmes entre proches dans le milieu espagnol. C'est un truc qu'il faudrait creuser. Dans le milieu espagnol, à l'époque, beaucoup de copains, jeunes et moins jeunes, étaient en admiration devant les beaux parleurs et devant les amateurs de bêtes 38. Hein? Et des fois, ça reste uniquement des beaux parleurs. Des fois, ça reste uniquement des parleurs de bêtes 38. Ils sont en admiration devant ce type de personnage. Et il est vrai que Guerrero, c'était un castillan, un madrilène, il avait une bonne diction. Seulement, moi je l'ai connu, pour moi, je suis de Madrid, c'est le type que j'ai appelé inflador de globos. Hein. Dans le rastro, il y a des jeunes, des moins jeunes qui souffrent et qui font... Et voilà. Mais c'est vrai qu'il a impressionné, parce qu'il parlait bien, il avait une voix chaude, écrivez bien, mais quand tu es épluché derrière, c'est un type qui est venu en France à 19 ans. Il n'a pas fait des études approfondies. Et quand tu es épluché bien, il n'a pas de connaissance du monde libertaire. On dit décision. Après, il a peut-être su. Il mais a pas fait de la connaissance presque plus que nous. Alors, je comprends. Alors là, à 19 ans, 20 ans? Ouais. Frédéric Cabontelli a dû... Mais non, mais justement, alors c'est là qu'on se trompe. Ouais. C'est là qu'on se trompe. C'est qu'à l'époque du conflit, qu'il y a eu un conflit entre Frédéric Cabontelli et puis les autres, oui. Guerrero n'était pas avec Monseigneur. Il est devenu après. Mais à l'époque, c'est pas vrai. À 63 En 62, sûrement pas. Moi, je peux te garantir que l'été 63, date de tous ces événements dont tu as parlé, il était le fils spirituel de la Monseigneur. Oui, c'est parce qu'il a changé en très peu de temps. Parce que comme il avait été éjecté de la jeunesse, il a fallu qu'il se raccroche quelque part d'autre. Ah oui. Ah oui, il fallait qu'il se raccroche. Hein. Parce qu'il y a aussi le personnage. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire de la valise. En 62, juste un peu les événements que je racontais sur le voyage de l'Oscaïde, voilà qu'ils sont à Perpignan. Il y avait Octavio Verola et El Peque dans une voiture. El Peque sort de la voiture pour voir un Italien. Et pendant que le Pec Guerrero est dans la voiture, voilà que vient quelqu'un avec une moto, il pique la valise et il s'en va. À la napolitaine. C'est quand même étonnant. Et une valise qu'on a retrouvée après dans les archives, ils ont gommé le nom, mais c'est Guerrero. Hein. Après, c'est la police française qui l'a réceptionné, qui l'a forcément remis à la police espagnole. C'est à cette époque-là que beaucoup sont partis. Quand, bon, et des Français et d'autres, quand ils ont vu que cette valise-là avait disparu avec des noms, bah, ils ont quitté la file d'un côté. Alors tu vois, à chaque fois qu'apparaît Guerrero, il se passe des choses. C'est quand même étonnant. Mais alors, je doute qu'en 62, franchement, il était avec la mention. Non, parce qu'il y avait déjà 63, des... 63, moi je dis. Ah, 63. L'été 63, mais, à Pénac. L'été 63. Quelques jours à Paris. Là, à peu près au même moment où toi tu... Ah oui, mais peut-être qu'il jouait, il jouait avec deux... Il avait deux fers, hein. Non, mais ceci, ça pourrait expliquer justement le fait qu'il ne se soit pas rencontré dans le fameux jardin sous la statue de Goya. Il était envoyé le mec là-bas, mais avec la mission de ne pas faire le rendez-vous. Non, je pense pas. Je pense qu'à ligne sincère, peut-être qu'il... Moi, je ne sais pas, ou bien il a été, ou il n'a pas été aux bonnes heures, mais c'est difficile de ne pas se voir. Hein. Quand, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, il y a une statue de Goya. C'est vraiment très petit. Hein. Ça, je vois mal qu'il n'ait pas pu se voir. Mais enfin... En tout cas, le premier jour, il ne pouvait pas se voir, parce qu'il était encore en France. C'est que le deuxième jour. Et le troisième jour, comme ils avaient rendez-vous pendant deux jours, le troisième jour, il ne pouvait pas se voir. Donc, mais pourquoi ce jour-là, ils ne sont pas vus ? C'est un mystère. Je vais me sourire, mais avant de partir, il me semble que le terrorisme, c'est pas fait pour les anarchistes. On ne dit pas nos ancêtres qui ont fait des vaillants et compagnie et tout. Mais franchement, depuis le temps que le paquet est devenu libertaire, j'ai vu, tout à l'heure on a vu sur le film, Vicente, Marty, il était plusieurs fois chez lui, j'ai vu ce qui se passait, etc. et tout. Bon, j'ai perdu ma gueule, mais il y a des choses que j'aurais prouvées, que j'ai vues. On a fait des rencontres jeunes libertaires, ou des rencontres où j'ai vu des tas de choses que j'aurais pas dû voir. J'étais pas partisan, moi, de là. Je n'avais pas à savoir que peut-être qu'il y avait des armes. Que, pourquoi bien je sûr, savais bien sûr. Ouais, c'est pas lui qui l'ont fait. C'est pas lui qui l'ont fait. C'est Rubio, c'est Salcedo, c'est moi. J'ai vu Tizé Gary aussi. Oui, mais nous, c'est pas vrai. Ah, mais c'est celui de la voiture, il voulait une rencontre de liberté. Il faut être comme un corps. Mais c'est pas lui qui fait les choses. Alors je dis que les anarchistes me diront oui, ça va pas ensemble. C'est pas lui qui fait les choses. C'est pas lui qui fait les choses. Je sais que Didier, mais je pose la question. En plus, il y a un anarchisme chez nous. Il y a une anarchisme de l'identité, etc. Qui fait que les gens parlent. Et on n'est pas doué pour ça. On n'est pas doué pour ça. Pendant la guerre d'Algérie, moi j'ai eu l'occasion de m'occuper des soumis à des étrangers et tout. C'est pareil, après la Finlande, c'est pointé, ils se baladaient avec des valises et tout. Et c'est, tout le monde le savait. On dit qu'on n'est pas doué pour ça. En plus, il y a tous les dangers du terrorisme, à savoir que voilà. Là où vous avez eu des blessés, il y a certains. Quand tu mets une bombe, tu ne sais pas si tu vas tuer que des flics ou que Franco, tu peux aussi tuer des types qui sont pourriers, qui sont à côté, des passants, etc. Alors si on met le crime aveugle, moi je suis pas anarchiste. Hein. Ouais, mais Marcel, on ne peut pas comme ça condamner tout blanc de la violence. Il y a certaines circonstances qui t'amènent comme là, je suis brésilien, j'ai voulu dire, il y a pas de blanc. Des circonstances, on ne peut pas comme ça condamner dans le mouvement en art l'aspect de la violence, et là, tout fait partie. Y compris d'origine, et on ne sait pas ce que nous reste à venir, il y a une certaine circonstance, c'est difficile un petit peu à dire qu'on ne sera pas amené à utiliser la violence. Non, non mais je te rejoins assez là-dessus, mais pour revenir à une autre affaire que je connais bien, dans l'affaire des Garis. Toutes les. Ah non, avant, les Garis. Non mais je veux dire. Toutes les équipes sont tombées, à l'exception d'une, celle qui a enlevé Suarez. Voilà. Parce que c'était des gens plus rigoureux. Il peut y avoir des gens rigoureux. Non seulement ils sont tombés, mais ils ont fait tomber un tas d'autres à côté. Hein. Moi, je peux te dire que j'étais au niveau rennais un petit peu le truc central où un tas de trucs se passaient. Putain, quand j'ai vu cet auto arriver là, il y en a un, écoute, je peux le dire aujourd'hui, il est passé, il n'est pas mort, hein, bon, c'est, mais on l'a passé directement du pont de la Mission dans la Vilaine, tu vois, mais en plus on a appris que c'était le fils d'un préfet après, donc tu te rends compte, on allait tous se faire baiser dans le milieu à l'heure, sur Rennes, etc., à cause de mecs de Gary, comme ça. Bon, on n'est pas trop con. On savait surveiller, etc. Les flics ne cherchaient qu'une chose, c'est à nous avoir. Mon voisin, qui était ouvrier à Citroën, était chargé de nous surveiller. Tu te rends compte? Un jeune prolo. Un jour, je lui ai dit, écoute, t'as qu'à rentrer, tu veux, donc, au revoir, mais simplement, si tu dis quelque chose, je te casserai la gueule après, n'importe. Alors, le mec, il a déménagé, il a eu peur. Toi, mais, pour te dire, non, c'est ça qui était grave, il en faisait tomber. Par contre, sur la violence révolutionnaire, je ne suis pas du tout d'accord avec là-dessus, on ne fait pas n'importe quoi. Bon, par exemple, le rôle des anarchistes espagnols pendant la guerre, si tu veux, moi, mes parents avec des anarchistes espagnols, ils n'étaient pas anarchistes, ils étaient PC, et heureusement qu'ils ont eu, effectivement, des anarchistes espagnols avec eux, qui avaient une rigueur extraordinaire, et devant l'histoire des Troïkas, etc. Il y a deux phrases de film, moi, qui me donnent un peu la... Parce que je ne suis pas non plus pour le terrorisme, mais il y a quand même quelques exceptions où ça peut jouer un rôle politique. Et il y a deux phrases du film qui m'interrogent. Il y a le juge quand il dit on a réussi en fait, hein, c'est-à-dire qu'on, ce qu'on voulait c'était avoir la tranquillité pendant un certain temps, pendant longtemps, et on a réussi. Et il y a quelque chose qui est important dans ce qu'il vient de dire, c'est que Franco en fait il n'est pas mort tellement longtemps après, et il parle de pendant longtemps jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que c'est la preuve aussi que ce jugement, c'est un acte de guerre et non pas un jugement criminel. C'est qu'il prévoit, et la classe dirigeante à l'époque prévoit, que la fin du franquisme, ça ne sera pas si facile que ça. Et que une des conditions pour que la transition du franquisme à une démocratie pourrie soit possible, c'est qu'il n'y ait pas de présence révolutionnaire dans le pays, et qu'il fallait qu'ils coupent les têtes. Hein? Et pour eux, c'était fondamental le fait qu'ils puissent continuer la terreur contre le mouvement révolutionnaire, pour qu'ils ne puissent pas être présents au moment d'un éventuel règlement de compte à la mort de Franco. Et puis la deuxième phrase, moi, qui m'interroge, qui me pose un gros problème, c'est ce prisonnier qu'on interroge et qui dit « Mais tiens, vous avez fait quelque chose de bien, les anarchistes, mais c'est pas souvent. » Le prisonnier qui est... C'est la première... Hein, on dirait qu'il y a un peu... Non, le prisonnier qui était en même temps qu'eux à la prison, à la Pécunia. Il dit, nous, à la prison, quand on a appris ça, on était contents, et puis on se disait, tiens, pour une fois que les anards font quelque chose. Et j'étais un peu choqué par cette phrase. Oui, mais il parlait de l'organisation en question. Donc, Non, mais c'est parce qu'à l'époque, c'est vrai que la CNT, le libertaire, n'avait pas une grande... en Espagne, il n'était pas extrêmement dynamique. Ça ne bougeait pas beaucoup, hein. Et en Espagne, non. La CNT était dormante, elle ne faisait pas grand-chose. Tout à fait, les années 60. Et en plus, ceux qui parlent, c'était des communistes, du FLP, Felipe, justement marxiste. Voilà, ils ont été contents parce qu'ils mettent une bombe à la DGS, parce que c'était le symbole du franquisme. Voilà.